La vaccination est censée protéger contre les papillomavirus humains HPV 16 et HPV 18 qu'on peut retrouver dans le cancer du col de l'utérus. Au Japon, on a recensé 2945 effets secondaires suite à des vaccinations contre les HPV. Suite à cela, le ministère de la Santé japonaise a retiré sa recommandation officielle pour ce vaccin. Les spécialistes de la vaccination de l'OMS ont critiqué cette décision qui, d'après eux, ne présentait que de faibles preuves et qui cause des dégâts car elle provoque une baisse de la demande de ce vaccin. Une information de Yakugai, une union de médecins renommés au Japon, a révélé que 11 des 15 spécialistes de la vaccination de l'OMS avaient un lien financier avec le fabricant de ce vaccin. Au regard de cela, l'OMS soutient visiblement les intérêts de l'industrie pharmaceutique au lieu de prendre au sérieux les effets secondaires des vaccins.